Vous écoutez Futur Simple au 89.1 et on va rester dans le domaine de l'alimentation, mais on va maintenant se concentrer sur les colorants. Certains sont artificiels, d'autres naturels. Est-ce que les colorants artificiels sont plus dangereux pour la santé? Alors, on en parle avec Philippe Rioux. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Ma dernière chronique, j'ai parlé des arômes artificiels et j'ai décidé d'aller dans un autre genre de modification alimentaire. Et j'avais parlé en fait de l'origine, de leurs propriétés et tout ça, mais dans le cas des arômes, la plupart sont vraiment dérivés de produits naturels. Il existe peu d'arômes complètement artificiels, et par artificiel, je veux vraiment dire des molécules qui n'existent pas dans la nature, donc qui sont purement synthétiques. Mm-hmm. Et il n'y en a pas vraiment d'arômes qui est vraiment utilisé dans ce genre-là. Dans le cas des colorants, c'est vraiment une autre histoire, par contre, parce que l'industrie alimentaire utilise des colorants qui sont complètement synthétiques ou artificiels et qu'on retrouve vraiment pas dans la nature de manière générale. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle l'industrie utilise des colorants artificiels alors qu'elle utilise des arômes naturels? Ben, en fait, ça, disons que ça revient à la précision de nos sens. C'est que la couleur, c'est une caractéristique qui est beaucoup moins spécifique et qui peut donc être généré par une illusion. Il y a plusieurs colorants qui peuvent être mélangés pour obtenir des teintes identiques. Par exemple, vous pourriez imiter la couleur vert en mélangeant du bleu et du jaune. Vous pourriez pas vraiment créer un arôme en mélangeant deux autres arômes. C'est ça. Donc, c'est plus facile de jouer avec la couleur dans cette optique-là. Donc, dans le cas des arômes, notre nez est vraiment beaucoup plus habile pour distinguer un arôme d'un autre. On peut pas vraiment le tromper à ce point-là. Donc, pour qu'un arôme purement synthétique soit utilisé, il devrait vraiment avoir un arôme agréable et plutôt similaire à quelque chose qu'on reconnaît. Et c'est beaucoup plus difficile. Dans le cas des couleurs, on peut fabriquer précisément des molécules aux couleurs désirées. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise des colorants artificiels plutôt que des colorants naturels? C'est quoi la raison? Bien, d'un point de vue de la fabrication des aliments, ces composés-là ont plusieurs avantages. Ils sont beaucoup moins chers, en fait. Et ils donnent à l'aliment une couleur forte et claire, vraiment distinctive. Mm-hmm. Ils se dissolvent bien dans les aliments, surtout au niveau de la solubilité dans l'eau, parce qu'il y a plusieurs colorants qui ne sont pas très solubles dans l'eau et c'est vraiment un problème au niveau de l'alimentation. Si c'est soluble dans l'eau, c'est très bien. C'est très facile à fabriquer, plutôt à utiliser dans l'alimentation. Et les arômes artificiels aussi ont un autre atout vraiment important, c'est qu'ils ajoutent essentiellement aucun arôme indésirable. Mais dans le passé, il y a eu de nombreuses controverses concernant l'utilisation des colorants artificiels. Encore aujourd'hui, certains demandent leur élimination. Où est-ce qu'on en est dans tout ça? Ben, disons qu'il y a plusieurs organismes réglementaires qui ont des politiques différentes concernant les colorants artificiels, dépendamment où est-ce qu'on va sur la province. L'Europe, de manière générale, est plus restrictif. Qu'en Amérique, là. Oui, c'est ça. Et je vais faire un petit survol des colorants artificiels les plus utilisés. Et en fait, je prends la liste qui est fournie par la FDA aux États-Unis, de la Food and Drug Administration, qui a maintenant, en fait, 7 colorants artificiels permis à l'industrie. Donc, seulement 7. Seulement 7. Mais étant donné qu'on peut jouer avec les couleurs, on peut quand même faire une bonne palette de couleurs avec ces 7-là. Donc, il y a le bleu numéro 1, qui est aussi appelé bleu brillant FCF, qui est notamment utilisé dans la boisson Curaçao, qui goûte l'orange, je crois. Donc, si vous voulez avoir une idée, c'est vraiment un bleu flash. C'est les Smarties, d'ailleurs, bleus sont utilisés, sont bleus à cause du FCF, bleu brillant numéro 1. Par contre, en Grande-Bretagne, c'est pas ce bleu-là qui est utilisé, c'est un autre bleu. J'ai vu des comparaisons, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup moins bleu, c'est beaucoup moins beau, disons. Il y a le bleu numéro 2, qui est le carmine d'indigo, qui est beaucoup moins utilisé. C'est aussi un... Ce qui est comique aussi, c'est que c'est un indicateur de pH, parce qu'il tourne au jaune à pH 13. Okay. Mais, il y a plus d'aliments quand même à ce pH-là. Oui, il n'y a aucun aliment qui se rapproche un temps soit peu de pH 13. Avec peu de chance qu'il vire. Là. Non, c'est ça, il ne virera pas normalement au jaune. Il y a le vert numéro 3, qui est le vert FCF, qui a une structure chimique vraiment similaire au bleu brillant FCF. Et quand je vous parlais de design de molécules avec des propriétés spécifiques, c'est ce que je veux dire. On change des groupements et la longueur d'onde absorbée change. Donc, on peut vraiment presque choisir sa longueur exactement. D'onde. D'ailleurs, si vous travaillez dans des milieux biotechnologiques et vous voulez avoir des encres ou des fluorescents, vous pouvez commander en ligne exactement la longueur d'onde que vous voulez parce qu'ils font des petites modifications chimiques. Donc, c'est très, très précis. Le vert numéro 3, c'est vraiment lui qui est le moins utilisé parmi les grands 7. Et il est d'ailleurs interdit d'utilisation en Europe dans la nourriture. Il y a le rouge numéro 3, qui est l'érythritocine, qui est peu utilisé aux États-Unis, qui est plutôt en, qui est plus utilisé en Europe, en fait. Et le rouge numéro 40, qui est le rouge Allura AC, qui est banni dans plusieurs pays d'Europe, mais qui est très utilisé aux États-Unis à la place du rouge numéro 3. Mm-hmm. Et il y a aussi remplacé le rouge numéro 2, qui est, je vais vous parler dans, un petit peu plus du rouge numéro 2 dans un petit moment. Et le jaune numéro 5, la tartrazine, qui est un colorant très utilisé. Si vous trouvez quelque chose dans votre alimentation qui est jaune pétant, c'est vraiment la tartrazine qui fait ça. Donc des jus d'orange, des jus artificiels ou des bonbons fluorescents. Jaunes. Ouais, si vous, par exemple, les bonbons, les petits bonbons durs qui a des bananes dedans, le jaune de la banane est vraiment, vraiment très spécifique. C'est la tartrazine qui fait ça. Ce qui est le fun aussi avec celui-là, c'est que vous pouvez l'ajouter au bleu brillant FCF pour donner vraiment des belles teintes de vert vraiment brillantes. Et le jaune numéro 6, qui est le jaune orangé FCF, qui est encore un FCF, qui est donc une molécule quand même similaire aussi aux autres FCF, le vert FCF et le bleu. Et c'est vraiment lui, par contre, c'est pas, on l'appelle jaune, mais en fait il est beaucoup plus orangé. Mm-hmm. Et il est banni dans certains pays d'Europe en ce moment. Tout à l'heure tu parlais du colorant rouge numéro 2. Est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire déjà concernant ce colorant là, il y a un certain temps? Ouais, c'est ça, c'est que le rouge numéro 2 ou le amarante a été banni à la fin des années 70 à cause qu'il y avait des recherches faites en Russie qui indiquaient qu'il était cancérigène. Et les groupes de consommateurs qui ont mis de la pression sur la FDA pour l'interdire. Et c'est à partir de ce colorant, en fait, qu'une certaine phobie des colorants artificiels a fait surface. Je veux dire phobie parce que dans ce domaine-là, c'est plutôt c'est plus difficile des fois à démontrer ces choses-là. Et cette phobie était en fait assez forte, plutôt ce mouvement de consommateurs-là, je devrais peut-être pas dire phobie, était assez forte pour amener le fabricant M&M à arrêter la production de leurs bonbons rouges emblématiques pendant quelques années. Et mais en fait, ce qui est comique, c'est que même si lui, il avait toujours été fabriqué avec le colorant rouge 40 et non le colorant rouge 2, mais ils avaient quand même arrêter la production du rouge parce qu'il y avait comme une espèce d'ambiance aux États-Unis anti-colorant rouge parce que le numéro 2 était le plus utilisé parce qu'il était vraiment pas cher. Et en fait, il y avait comme enlevé ça de manière préventive pour éviter la confusion chez le consommateur. Il y a ensuite eu un autre mouvement de consommateurs qui a demandé le retour du M&M rouge. Et le M&M rouge est revenu en force, je crois, en 85. Ils ont fait une grosse pub avec ça. Fait que finalement, M&M a vraiment profité de toute cette polémique-là. Mais en fait, quelles sont les raisons qui amènent colorant à être banni? Ben ça, c'est la question qui tue ou ne pas, disons, qui ne tue ou qui ne tue pas. La dangerosité des produits chimiques, c'est vraiment quelque chose de très flou. Et dans la majorité des cas, le problème vient du fait que si vous voulez tuer des rats avec un produit chimique dans une expérience, c'est assez facile. Peu importe le produit chimique, vous faites juste augmenter la dose jusqu'à une dose complètement absurde et en général, ça va tuer un des rats. Donc, c'est souvent le genre d'expérience qui est fait. Il y a même le sel de table aussi. Une dose létale, en fait, assez facile à obtenir. Donc, c'est souvent des expériences dont on donne des quantités de colorants complètement ridicules à des animaux et on observe ce qui arrive. Et plein de mauvaises choses arrivent d'habitude. La majorité des colorants qui sont utilisés aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment pas de toxicité immédiate parce que sinon, ils ne seraient pas utilisés par la FDA. Ils ont une toxicité aiguë? Disons, dans les doses normalement utilisées pour donner une couleur et non donner une maladie. Ces colorants-là, normalement, ne causent vraiment aucun effet. C'est pour ça qu'ils sont utilisés. Les craintes actuellement, plutôt, les craintes qui restent sur les colorants artificiels permis sont plutôt du genre de potentiellement cancérigènes, très, très long terme, où certains disent que ça y avait des trucs surtout qui étaient sortis en Europe, que certains pouvaient causer une certaine hyperactivité. Mm-hmm. Ça avait un peu tourné dans les médias récemment. Ce genre de choses-là, c'est vraiment difficile à démontrer parce que là, on parle de doses sur de longues périodes chez des enfants, tout ça. Donc, c'est pas si facile que ça à prouver. Et récemment, il n'y a pas eu vraiment de gros développement au niveau des recherches scientifiques au niveau des colorants. Et disons qu'à tout bannir à la moindre crainte, c'est assez facile parce que cet empressement-là du bouton panique, ça a aussi une origine administrative. C'est le principe de précaution qu'on appelle. Uh-huh. C'est que on ne peut pas en fait accuser quelqu'un d'être trop prudent. Alors aussitôt qu'il y a un petit peu un petit risque, on va souvent arrêter la production ou interdire les produits. Et l'Europe est très forte, disons, là-dessus, cette dynamique-là. Et parce qu'en fait, on peut pas accuser un décideur, c'est ça, d'avoir causé la mort d'un individu en interdisant quelque chose. Uh-huh. Donc des décisions assez faciles à faire. Donc, ça amène les décideurs à être des fois un peu trop prudents dans certains cas. Et est-ce que les colorants naturels sont une solution? Et parce qu'ils sont naturels, sont-ils aussi sans danger? Ben, dans certains cas, oui. Ils sont beaucoup plus chers, par contre, et ils ont souvent une solubilité problématique. Et ils apportent souvent avec eux un arôme indésirable. Mm-hmm. C'est ça, vraiment, le gros problème. On encourage maintenant l'utilisation, par exemple, du bêta-carotène dans les aliments pour ajouter de la couleur jaune ou orange. Mais le bêta-carotène a un goût, disons... désagréable. Si vous voulez avoir une idée de qu'est-ce que ça goûte le bêta-carotène, achetez-vous une multivitamine et croquez-la. C'est sûr que là, il y a plein d'autres choses, mais il y a une espèce de goût terreux qui vient avec la... C'est sûr que ça goûte. Ouais, la couche orange, en fait, dans ces multivitamines-là, c'est le bêta-carotène. Et c'est aussi très, très peu soluble dans l'eau. Je travaille avec le bêta-carotène, je pourrais vous en parler. Disons qu'il y a des options, c'est certain. Par contre, il faut pas penser que les colorants naturels sont sans danger. Donc, par exemple, si vous mangez un seul gramme de foie d'ours polaire, c'est sûr que ça arrive pas souvent dans la vie de quelqu'un, mais vous aurez ingéré en fait une dose toxique de carotène et de leurs dérivés. Donc, autant qu'on peut tuer des souris avec des colorants artificiels en utilisant des doses absurdes, autant on peut le faire avec des colorants naturels aussi. Donc, le naturel, c'est vraiment pas nécessairement un gage de sécurité. Et aujourd'hui, on utilise des colorants à base d'insectes comme la carmine, qui est générée à partir de la coquille d'une cochenille, qui est une espèce de... qui est vraiment un colorant rouge vif. C'est une espèce de petit insecte qui a une carapace rouge vraiment vive. Et ces insectes-là sont cultivés comme dans une espèce de ferme et on récolte leurs coquilles pour les broyer. Ça fait vraiment une poudre rouge très, très vive. OK. Ça, c'est vraiment la mode au niveau d'être bio dans ces colorants et tout ça. Il y a la betterave aussi qui nous donne la bétanine, qui est aussi très rouge. Le rouge de la betterave est utilisé comme colorant. Mais le problème, c'est que c'est très sensible à l'oxygène et un peu aussi à la chaleur. Donc, son utilisation est assez limitée. On l'utilise souvent dans les produits qui ont une durée de vie sur la tablette très faible. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être utilisé partout et à tout usage. Et pour le bleu, j'ai trouvé... Il y a la plante qui est appelée, en fait, la Clitoria tertana, qui est une espèce de fleur vraiment bleue, vive. Et si vous vous demandez pourquoi elle s'appelle comme ça, c'est parce que la fleur a la forme caractéristique de vous savez quoi. Mm-hmm. Et ça m'a un petit peu surpris quand j'ai vu ce nom-là. Mais quand j'ai vu la fleur, j'ai compris. Et en fait, c'est un des rares colorants bleus qui est naturel, parce qu'il faut savoir que les colorants bleus dans la nature sont beaucoup plus rares. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont utilisées en ce moment au niveau des colorants naturels. Bon, rapidement, Philippe, quel est l'avenir réservé aux colorants artificiels, rapidement? Ben, il faut savoir que il y a plus de 100 ans, on était vraiment à une autre étape au niveau des colorants artificiels. On mettait vraiment n'importe quoi dans les aliments. Il y avait des colorants à base d'arsenic, de plomb, qui étaient vraiment beaux, par contre. Mais là, cette époque-là, c'est fini. Là. Il existe toujours de la possibilité qu'il y ait des réactions allergiques aux colorants artificiels, mais ce risque-là existe aussi avec les colorants naturels. Donc, comme beaucoup de choses, dans le fond, dans la vie, la variété, c'est vraiment bon. La modération, c'est vraiment bon. Donc, n'essayez pas de devenir des rats de laboratoire et d'ingérer des quantités absurdes de colorants artificiels. Alors, merci beaucoup, Philippe, pour cette chronique. Merci. Alors, on va faire un court pont musical. On vous revient après avec l'analème.